L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Qu'est-ce que la richesse ? Beaucoup aimeraient posséder le savoir de Robinson Crusoe. En effet, il sait faire beaucoup de choses et il a pratiqué son savoir. La richesse, c'est savoir utiliser ce que l'on a. Si on possède quelque chose qui ne nous sert à rien, nous ne sommes pas riches. C'est plutôt que nous sommes embourbés dans nos biens. Ainsi, Jean-Charles Covey-Gomez explique qu'être riche est faire profiter de son savoir et évoluer, qu'être pauvre, c'est être dans la luxure et la régression, donc le court terme. Ainsi, quelqu'un qui possède de trop devra faire vivre ce qu'il possède. Il pourra alors vouloir des personnes pour utiliser ce qu'il possède. Ces personnes, il voudra alors les posséder pour posséder ses biens. Il recréera l'esclavage. Alors ceux qui sont possédés par les biens de celui qui a trop peuvent dire que ce sont eux qui utilisent des biens privés. Donc ceux-ci peuvent réclamer une redistribution selon l'économie jubilaire promue par l'Église. Il y a aussi la loi antitrust créée par le Conseil national de la Résistance. Si nous possédons quelque chose, que nous pouvons à la fois le réparer et l'utiliser, cet objet possède beaucoup de valeur pour nous. Nous nous sentons alors réellement riches. Ainsi, nous voudrons posséder beaucoup plus de ces objets pour montrer notre richesse. On se crée alors des collections. Mes notes, que sais-je faire ? C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.